11, Vitariho. Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal dont voici d'abord les grandes articulations. Deux personnes enlevées et un véhicule est brûlé. C'est le bilan d'une embuscade qui a été tendue par des hommes armés non connus à Kagwema, en commune Gihanga de la province de Bubanza. On en parle dans ce journal. Dans ce journal également, on parlera de la pénurie d'eau dans différents quartiers de la capitale Bujumbura. Aubin Nyonguru nous conduira dans la zone Musaga, au sud de Bujumbura. Ange Bernice Ingabire, 21 ans, a gagné la compétition de Miss Burundi édition 2016. En international, le président sortant de la Zambie a été réélu dans le scrutin présidentiel du 11 août dernier. Et en République démocratique du Congo, un deuil national de 3 jours a été décrété après le massacre de Beni qui a coûté la vie à plus de 40 personnes. Voilà pour le sommaire. Le groupe de presse Iwachu compte entamer à partir de cette semaine une demande d'identification des deux corps retrouvés dans la Mwarazi la semaine dernière, et cela par des services spécialisés. Pour le moment, Iwachu ne peut pas dire si le corps du journaliste se trouve ou pas parmi ceux retrouvés jeudi dernier. Le groupe de presse Iwachu a annoncé par ailleurs dans un communiqué qu'il va poursuivre ses enquêtes. Le journaliste Jean-Vigilimana est porté disparu depuis le 22 juillet. Il a été kidnappé à Ouga en province de Muramza. La police nationale et le service national de renseignement disent n'avoir pas arrêté le journaliste. Deux personnes ont été enlevées et un véhicule brûlé. C'était hier soir lors d'une embuscade qui a été tendue par des hommes armés non connus sur la route Bujumbura-Rugombo, précisément à Kagwema, en commune Gihanga de la province de Bubanza. Les forces de l'ordre sont intervenues, mais les deux personnes étaient déjà enlevées. Les restes du véhicule carciné ont été dégagés de la route ce lundi matin. Le point avec Space Caritas Kavanyan. Parmi les 3 passagers qui étaient à bord de ce véhicule de type Probox, 2 ont été enlevés et restent sans nouvelles jusqu'à présent. Le 3e a pu échapper de justesse lorsque les ravisseurs allaient franchir la rivière Rusizi. Les agresseurs ont pillé tout ce qui se trouvait dans le véhicule avant de l'enflammer. Ils ont également dépouillé de l'argent et des téléphones portables aux passagers selon les témoins sur place à Kagwema. Les militaires sont intervenus et ont échangé des coups de feu avec les assaillants pendant une trentaine de minutes. Les restes de ce véhicule calciné ont été dégagés de la route ce lundi matin. Rappelons qu'une embuscade pareille a eu lieu la semaine passée entre la 8e et la 9e transversale à Gihanga même, mais sans dégâts parce que les militaires sont vite intervenus et ont pu repousser les assaillants vers la Rukoko d'où ils étaient venus. Précisons qu'au cours d'une réunion que le président du Sénat burundais a tenue avec la population de Gihanga la semaine passée, le gouverneur de Bubanza a précisé que les gouverneurs des provinces frontalières à la République démocratique du Congo ont demandé qu'il y ait des rencontres avec leurs homologues congolais afin de lutter en synergie contre ces groupes de malfaiteurs qui font des navettes entre ces deux pays, mais ce travail n'est pas encore réalisé. Merci à Space Caritas. Les chrétiens de la province Gitega au centre du pays se sont joints à ceux du monde entier pour célébrer la fête de l'Assomption de la Vierge Marie à la colline Mugera où se trouve le sanctuaire marial. L'archevêque de Gitega, Monseigneur Simon Hamwana, a demandé aux Burundais de cheminer avec la Sainte Vierge Marie durant cette année jubilaire du pardon et d'être de véritables apôtres du pardon de Dieu au Burundi. Il a également prié pour que personne ne soit traumatisé par la situation actuelle du pays. Il s'observe une pénurie d'eau manifeste dans différents quartiers de la capitale Bujumbura. C'est le cas de la zone Musaga où sur 3 robinets publics situés entre la 1ère et la 3ème avenue, un seul servait la population des dites avenues dans la matinée de ce lundi. Les habitants de la localité craignent les maladies des mains sales. Le point avec Aubin Nyongo. Cette pénurie prononcée de l'eau dans cette zone dure plus d'une semaine selon les habitants de la 2ème avenue contactée. Cette pénurie a commencé il y a à peu près une semaine que nous n'avons pas de l'eau. Nous cherchons de l'eau à partir de plus d'un kilomètre. Suite à ce manque d'eau, les habitants de Musaga craignent les maladies des mains sales. Les problèmes sont multiples. Nous risquons d'être attaqués par les maladies des mains sales, puisqu'il n'y a pas de l'eau à boire, pour se laver, pour la cuisine, ainsi que pour la vaisselle. C'est un problème surtout pour les parents de petits-enfants. Un bidon de 20 litres d'eau s'achète habituellement à 50 francs quand l'eau est servie sur les robinets publics. Mais aujourd'hui, le prix du même bidon dépasse 400 francs. Nous nous approvisionnons en eau à plus de 2 km. Par conséquent, un bidon de 20 litres s'achète entre 400 et 600 francs en bout. Ces habitants de la zone de Moussaga demandent l'intervention de la régie des eaux pour régler cette question. Au banc, la radio Isanganiro a contacté par téléphone les responsables de la régie des eaux pour qu'ils s'expriment à ce sujet de manque d'eau dans des quartiers de la capitale. On nous a donné le rendez-vous de demain mardi. Plus de 7 maisons composées de restaurants et débits de boissons qui ne remplissent pas les conditions d'hygiène ont été fermées par l'administration à Kabezi en province de Bujumbura. Cette mesure rentre dans l'objectif de stopper la propagation de l'épidémie de choléra qui s'est déjà déclarée dans cette localité. La mesure frappe les maisons qui n'ont pas de latrine, qui présentent aussi la malpropreté du matériel utilisé. Une autre maison et un kiosque ont été fermés pour avoir été érigés à un endroit proche du site aménagé pour les personnes atteintes de choléra. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Le besoin de nouveaux enseignants se fait encore sentir dans la province de Ruyigi après le redéploiement qui a eu lieu ces derniers jours. Les besoins s'élèvent aujourd'hui à plus de 300 enseignants. Le directeur général chargé des ressources humaines au ministère ayant l'enseignement dans ses attributions promet qu'une demande de recrutement de nouveaux enseignants sera formulée à l'endroit du ministère habilité. Jean-Claude Chimilimana depuis Ruyigi. Les écoles qui ont plus besoin de nouveaux enseignants dans la province de Ruyigi sont notamment les écoles fondamentales de Rutonganyikwa et Rukenesha en commune Utaganzwa qui ouvrent cette année la cinquième année alors qu'ils n'ont que 3 enseignants chacune. Onesime Ngendadoumwe, directeur communal de l'ouverture de lycées communaux et progression des classes dans les cycles encore incomplets, sont autant des causes de cette insuffisance d'enseignants. Selon lui, le recrutement de nouveaux enseignants dans cette commune est un impératif pour que les cours soit bien enseigné. Après l'opération de redéploiement des enseignants qui a eu lieu la semaine dernière dans la province de Ruyigi, celle-ci a encore besoin de 366 nouveaux enseignants, dont 193 pour les 3 premiers cycles de l'école fondamentale, 104 au 4e cycle et 69 pour le second cycle de l'enseignement secondaire. Sur ce total d'enseignants nécessaires, les communes Gisuru et Utaganzwa totalisent à eux le seul 188 enseignants, soit 51,36%. De grâce à Sinunguka, directeur général chargé des ressources humaines au ministère ayant l'enseignement dans ses attributions, reconnaît que les besoins en personnel enseignant restent une réalité. À cet effet, il indique que le ministère ayant l'enseignement dans ses attributions va formuler une demande de recrutement de nouveaux enseignants au ministère habilité. Jean-Claude Nshimilimana, Ruyigi, Radio Isanganiro. Merci Jean-Claude. Ange Bernice Ingabire, 21 ans, a été élue Miss Burundi édition 2016. La finale de la compétition a eu lieu dans la soirée de dimanche à lundi à Bujumbura. André Akizimana, le chargé de la communication au sein de cette organisation, fait savoir qu'en plus de sa beauté, la gagnante a également fait preuve d'intelligence au moment où elle expliquait des projets qu'elle compte réaliser en tant que Miss Burundi. Suivez. Ange Bernice Ingabire a été élue comme Miss Burundi 2016-2017. C'est une fille qui est très ambitieuse dans la présentation de son projet. Elle maîtrisait son public, elle maîtrisait tous les aspects de son projet. Et je pense que c'est ça qui a séduit le jury pour qu'elle puisse être élue Miss. Toutes les candidates étaient belles, mais elle s'est distinguée par sa manière de présenter, sa maîtrise du sujet et aussi le contenu de son projet. Qu'est-ce qui va suivre après Miss Burundi? En plus des prix qu'elle a gagné hier, la Miss Burundi 2016-2017 devra participer dans Miss Africa et elle devra aussi représenter le Burundi dans Miss United Countries au mois de décembre en Philippines. Nous voulons que sa participation dans ces événements puisse aussi être une occasion de représenter le Burundi, de présenter les beautés du Burundi, d'attirer les touristes vers le Burundi, parce que vous savez bien que le Burundi actuellement, nous connaissons une crise économique et nous avons besoin des devises. Alors, l'une des façons qui peut aider notre pays à gagner des devises, c'est aussi attirer les touristes à venir chez nous. Un événement comme Miss Burundi, c'est un événement vraiment qui est très nécessaire, qui va aider notre pays en matière économique. Aussi, le message qui était derrière tout ça, c'était un message d'espoir, c'était un message d'unité. Vous savez bien qu'actuellement, le Burundi a connu une crise depuis une année passée. Et nous avons voulu montrer au Burundi que nous pouvons aussi nous rassembler. En dépit de tout ce qui nous divise, mais nous avons une culture, nous avons des filles, nous avons des beautés qui peuvent nous rassembler tous derrière un objectif commun qui est celle de Miss Burundi. En actualité internationale et sans transition, à Beni, en République démocratique du Congo, des paysans qui rentraient dans leurs champs samedi ont été massacrés à la hache et à la machette par des rebelles ougandais selon les autorités. Le bilan officiel fait état de 42 personnes tuées, mais la société civile, elle, à Beni, parle de 51 personnes. Il pourrait s'agir du plus gros massacre depuis 2 ans dans cette ville et sa périphérie, selon le site de RFI. Un deuil national de 3 jours a été décrété. La Conférence internationale sur la région des Grands Lacs a condamné ce lundi le massacre de Beni qui a emporté la vie à des civils innocents. Et dans l'entretemps, ce nouveau massacre a provoqué des manifestations de colère hier dimanche à Beni. La population civile réclame qu'on la protège. Les différentes composantes de la société civile du Nord Kivu se sont réunies à Beni ce lundi matin dans l'attente de la délégation du gouvernement et de la MONUSCO. Leurs représentants se sont mis d'accord sur leurs revendications et notamment pour demander le départ de 2 ministres. À savoir celui de l'intérieur et celui de la défense. En Zambie, le président sortant Edgar Lungu a été réélu dans le scrutin présidentiel du 11 août dernier. Les résultats annoncés par la commission électorale montrent qu'il devance par 100 000 voix son principal rival Hichilema. Celui-ci avait dénoncé un scrutin truqué. Le président de la commission électorale a finalement déclaré Edgar Lungu président de la Zambie après avoir lu les résultats finaux. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Aimé Toussaint Mitebouti pour la parfaite collaboration technique. Excellente soirée à tous. Au revoir. Léonce Vitaliho.